Aujourd'hui, dans l'affaire sensible, deuxième volet de l'affrontement Blum-Pétain, deux visions antagonistes de la France. Après le procès de Rion de 1942, Léon Blum est renvoyé en cellule avant d'être déporté à Buchenwald. Privé de liberté, l'homme de 70 ans se penche alors sur sa vie et ses combats passés. Ainsi commence la rédaction d'un livre qui aura pour titre « À l'échelle humaine ». Blum veut tirer les enseignements des échecs de sa génération et comprendre pourquoi la France a sombré dans le totalitarisme du régime de Vichy, justice d'exception, loi antisémite, rafle. Cependant, au même moment, sur les fronts militaires, le rapport de force change et les alliés reprennent du terrain dans toute l'Europe. En août 44, Paris est libéré et le régime de Vichy périclite. Moins d'un an plus tard, l'armistice est signé, l'Allemagne nazie rend les armes. À l'été 45, Pétain est jugé pour haute trahison. Il doit répondre de ses choix politiques. Alors, le vieil officier s'oppose en victime. Il s'est, dit-il, sacrifié pour son pays. Lors de ce procès exceptionnel, un témoin particulier, exceptionnel, lui aussi est appelé à la barre, Léon Blum. Notre invité aujourd'hui, Pierre Birnbaum, historien, sociologue, auteur notamment du livre « Léon Blum, un portrait » paru au Seuil en 2016, ainsi que « La leçon de Vichy, une histoire personnelle » publié l'an dernier par le même éditeur. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Guillaume Malandras, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Bizio. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Mercredi 31 mars 1943, un soleil pâle éclaircit la vieille façade du château de Bourassol, non loin de Rion, dans le Puy-de-Dôme. Posée au milieu d'un immense parc dominant la plaine de la Limagne, l'imposante bâtisse du XIIe siècle, réquisitionnée par le régime de Vichy, a été transformée en prison d'État. Et c'est ici que sont enfermés les prisonniers politiques, et en premier lieu, Léon Blum. Pour l'ancien président de conseil, ce jour de printemps commence comme tous les autres. Il trompe l'ennui dans sa cellule, une masure mangée par l'humidité et la crasse qu'il occupe depuis 11 mois. Comme tout prisonnier depuis le début de sa détention, 2 ans plus tôt, d'abord au fort du Portalet, puis ici, à Bourassol, l'homme du Front Populaire n'a pas grand-chose à faire. Pourtant, à 70 ans, il n'a rien perdu de sa vivacité d'esprit. Il s'est donc replongé dans sa première passion, les livres, et il a lu tout ce qui lui est tombé sous la main. Il a découvert Luther et redécouvert d'autres cerveaux bien faits comme lui, Goethe, Shakespeare, Voltaire, des lectures qui alimentent ses réflexions sur l'état du monde et de son pays. Une question l'obsède. Comment en est-on arrivé là? Comment a-t-on pu sombrer dans l'infamie de l'occupation? Pour y répondre, le détenu ne s'est pas contenté de lire, il a également écrit, sans relâche, sans nostalgie ni indulgence. Ainsi, Léon Blum opère un retour en arrière sur ses engagements politiques. Et ses notes démarrent par un mea culpa. La génération à laquelle j'appartiens n'a pas réussi dans sa tâche. Je le sais aussi bien que personne, mais je ne me lève pas pour présenter sa défense. De ses fautes, de ses illusions, de ses malheurs, j'essaie de tirer un enseignement pour les générations qui viennent, pour celles qui supporteront demain la charge. La France se trouve aujourd'hui vis-à-vis d'un interrègne. Elle ne se trouve pas dans le néant. La défaite n'a pas détruit la France. Printemps 1943. 3 ans déjà, 3 ans que la France a été envahie par les Allemands, 3 ans que le pays est dirigé depuis Vichy par un gouvernement collaborationniste. Son chef, le maréchal Pétain, est devenu le visage d'une France rabougrie et humiliée depuis 3 ans. Ce jour-là, il se proclame chef de l'État français et fait adopter par une assemblée pétrifiée un ensemble de lois qui lui donnent les pleins pouvoirs. Ainsi, en une journée, près de 150 ans de démocratie française s'évaporent. Derrière la devise « travail, famille, patrie », venue remplacer « liberté, égalité, fraternité », un ordre nouveau est fondé, basé sur l'autorité, la hiérarchie, le corporatisme. Un ordre qui rejette en bloc la République, la liberté, le débat, l'égalité des chances. Tout cet édifice humaniste est passé par pertes et profits. C'est la France des anti-Dreyfusards, maurrassiennes et catholiques, qui se retrouve au pouvoir. Pour Pétain et sa clique, la Troisième République n'a pas à protéger le pays de la Grande Dépression et de la guerre. Il faut donc chasser tout ce qu'elle représente et rétablir l'ordre. Pour cela, tous les moyens sont bons. Délation, torture, rafle, exécution sommaire. C'est la politique de la haine, c'est la politique de la vengeance. Il faut se ranger derrière l'autorité, le chef, qui adopte alors un ton paternaliste, comme l'atteste cette allocution radiophonique du maréchal Pétain en 1943. Il est vain de transformer les institutions si on ne transforme pas les âmes. Il est vain d'espérer la fin de notre décadence tant que nos enfants n'auront pas reçu de leur maître une conscience neuve. N'est-ce point là la grande mission des éducateurs? Il me faut mieux que l'obéissance de la jeunesse. Il me faut sa conviction ardente, sa volonté d'action et sa foi. Pensez, mes amis, libérez votre conscience des préjugés et des rancunes. Vous comprendrez mieux alors ceux qui ont la charge douloureuse de vous conduire. Ceux qui ont la charge douloureuse de conduire la France ont même trouvé une expression pour désigner ce changement de régime, la révolution nationale. Alors depuis 3 ans, une intense propagande est organisée autour de la figure du maréchal à la voix chevrotante. Sur les affiches, dans les journaux, sa photo s'invite dans le quotidien des Français. On le voit posé en contre-plongée, le regard dur, coiffé d'un képi d'officier. Les actualités cinématographiques relaient la propagande à la gloire du militaire Kakoshim. Autre émouvante moisson, par d'innombrables lettres, les tout-petits ont adressé au maréchal des témoignages fervents de l'amour qu'ils portent au chef de l'État. Par grâce spéciale, une écolière de France, peut-être la plus jeune, a été admise à porter elle-même au maréchal sa lettre patiemment, tendrement composée. C'est plus de 2 millions de lettres qui ont été acheminées vers Vichy de tous les coins de France. Le 28 janvier, le maréchal visitait à l'improviste l'auberge de la jeunesse de Bellerive où avait lieu le triage de ce gigantesque courrier. Le chef de l'État, par sa présence tant attendue, tant souhaitée, vient ainsi apporter à ces jeunes cœurs l'espoir dans les destinées de la France de demain. Pendant ce temps, à Bourassa, Léon Blum laisse ses pensées vagabonder. Il se souvient comment, dès 1940, Pétain a voulu écarter tous ses opposants. Et le leader socialiste a été emprisonné avec quelques autres, avant d'être jugé par un tribunal d'exception à Rion. Ainsi, le maréchal a-t-il voulu faire payer publiquement à Léon Blum ses décisions politiques? Des mesures qui auraient rendu les Français vulnérables, selon Vichy, et qui auraient été la cause principale de la débâcle face à l'armée allemande. Mais pour le régime Fellon, le grand procès de Rion en 1942 a été une erreur funeste. Comme nous l'avons raconté hier, Léon Blum a profité de la tribune qui lui était ainsi donnée pour démontrer de façon éclatante l'inanité des accusations portées contre lui par Vichy, ridiculisées par la brillante plaidoirie de Blum, à tel point que le procès a dû être ajourné, oui, et Blum est retourné en cellule. Malgré une presse à la solde du pouvoir, l'argumentaire du socialiste a circulé au sein de la population et a galvanisé la résistance. D'ailleurs, en ce printemps 43, les différents groupes clandestins sont plus organisés que jamais. Derrière le général de Gaulle et Jean Moulin, on réfléchit déjà au monde d'après, le CNR. Dans tout le pays, les sabotages se multiplient et le gouvernement collaborationniste est de plus en plus contesté. Et puis, depuis quelques mois, la guerre semble être entrée dans une nouvelle phase. La victoire des soviétiques à Stalingrad a prouvé que la Wehrmacht n'était pas invincible. Et le débarquement anglo-américain en Afrique du Nord a fait souffler un vent d'espoir dans les pays alliés. À Berlin, le pouvoir est de plus en plus fébrile. Dans cette logique, Léon Blum est même carrément devenu gênant pour les autorités allemandes. Et ce n'est pas tout. Depuis plusieurs mois, une rumeur insistante circule. Les gouvernements anglais et américains voudraient exfiltrer des personnalités politiques françaises, dont Léon Blum, pour constituer un contre-gouvernement. Il faut donc éloigner le leader socialiste de ses proches et lui faire comprendre ce qu'il est vraiment, un juif. Cela veut dire déportation à Buchenwald, dans une aile spéciale de camp. Le mercredi 31 mars 1943, à 13h, deux gardes allemands et deux gardes français ouvrent la porte de la cellule de Léon Blum. On le place dans un fourgon, puis dans un train, direction l'Allemagne. Comme tant de juifs avant et après lui, Blum pense qu'il vit là son dernier voyage. En 1943, personne ne s'imagine encore l'étendue du phénomène. Mais c'est bien l'innommable qui est en train de se produire sur le vieux continent. La déportation et le meurtre de masse organisée de millions de juifs par le régime nazi qui peut compter sur le soutien de la France du gouvernement de Vichy qui fait voter dès son arrivée au pouvoir une loi d'exception sur le statut des juifs qui leur interdit l'accès à de nombreux postes. Un film de propagande appelé « Les corrupteurs » nous rappelle comment le pouvoir de Vichy envisage ce qu'on appelle alors par un détournement odieux de la sémantique, la question juive. « Je hais les mensonges qui nous ont fait tant de mal, a dit notre maréchal. Ceux qui ont corrompu notre peuple, ceux qui propagent aujourd'hui encore le mensonge, ce sont toujours les mêmes, les juifs. Ils seront expulsés de la communauté nationale, quelle que soit leur ruse, pour y rester incrustés. » Au détriment de la jeunesse française, cette race étrangère avait accaparé toutes les places importantes, toutes celles dont dépendait l'activité du pays. Ces places sont libres, elles reviendront à la jeunesse française. Il n'y a pas de question juive. La judaïté ne pose pas question. Il y a en revanche une question antisémite, oui, une pensée criminelle, qui se retrouve au pouvoir en France ces années-là, rendant la situation authentiquement tragique. Pourtant, Léon Blum a une certitude. Vichy va bientôt s'écrouler. La Révolution nationale n'est qu'un grossier compromis entre une vieille monarchie de droit divin et les disciplines totalitaires. Un régime d'hésitation, d'aberration et de contradiction congénitale qui ne peut pas survivre. Quand il arrive à Buchenwald, Blum est emmené dans un quartier spécial situé à mi-chemin entre le camp des déportés et le village des SS. C'est là que sont enfermées les personnalités politiques de haut rang. Les conditions de détention sont très différentes de celles des déportés du camp voisin. Les prisonniers ici doivent être maintenus en vie pour éventuellement servir de monnaie d'échange. Léon Blum a alors 70 ans et il entre dans sa troisième année de détention, autant d'années de réflexion. Ironiquement, le destin amène Léon Blum non loin de l'endroit où l'une de ses idoles, Goethe, s'était penchée sur ses combats au crépuscule de sa vie, dans une série de conversations qu'il avait tenues avec son secrétaire Eckermann. Le jeune Léon Blum avait dévoré cette littérature, alors qu'il était étudiant en lettres à Paris. Le voilà donc, vieillard à son tour, dans ce lieu qu'il avait imaginé tant de fois auparavant. Alors, peut-être se souvient-il de ce qu'écrivait Eckermann sur le célèbre philosophe allemand 110 ans plus tôt. Hiver et été semblaient toujours se combattre en lui. Mais ce qui était admirable, c'était de voir chez ce vieillard la jeunesse prendre toujours le dessus. Dans la soirée du 31 mars 1943, Léon Blum prend ses quartiers. Une vieille demeure étroite qu'il décrit dans une lettre à sa compagne, Jeanne, comme une petite maison forestière un peu perdue dans les bois. Pour autant, l'ambiance n'est pas vraiment bucolique. L'endroit est surveillé par une trentaine de soldats qui circulent sans cesse, mitraillettes en bandoulière et chiens en laisse. À son arrivée, Blum retrouve une vieille connaissance, Georges Mandel. Ancien député puis ministre de l'Intérieur, c'est un conservateur issu de la bourgeoisie qui aurait été un adversaire politique en temps de paix. Mais là, nous sommes en guerre, et c'est très différent d'ailleurs. Le courant passe bien entre les deux hommes, tous les deux juifs, démocrates, cibles privilégiées du régime de Vichy. Tous les deux pensent que la faute la plus lourde de leur génération, c'est d'avoir sous-estimé la dimension diabolique de Hitler et le danger mortel que représentait son accession au pouvoir. Blum en est certain désormais. Dès 1933, la France aurait dû rendre cet événement impossible, y compris par la force. C'était il y a 10 ans, et c'est comme un péché originel. Les membres du nouveau ministère, à la tête duquel Adolf Hitler a été désigné, se réunissent pour la première fois à l'hôtel Kaiserhof. Monsieur von Papen, désigné comme vice-chancelier et commissaire du Reich en Prusse. Monsieur Alfred Hugenberg a reçu le portefeuille du ministère de l'économie et de l'alimentation. Voici Monsieur Göring, président du Reichstag, chargé du ressort de l'aviation et des travaux du ministère de l'Intérieur prussien. Ainsi, selon Léon Blum, les gouvernements français n'ont pas vu ou n'ont pas voulu voir ce qui se tramait outre-Rhin. Il se rappelle au souvenir amer du gouvernement d'Oumerlot de 1934 et de son célèbre ministre de la guerre, un certain Philippe Pétain. L'heure était à la crise économique et le refrain éternel, déjà, était à la baisse des déficits. Pétain avait nous fait voter une diminution drastique des dépenses militaires. Une immense erreur stratégique qui avait fait subir à l'armée française un retard insurmontable. Blum et Mandel se souviennent d'autres signaux dont ils n'ont pas pu saisir l'ampleur, notamment la montée irrésistible d'un antisémitisme féroce, violent, irrationnel. À ce titre, Blum revient sur un épisode douloureux de sa vie. C'était par une belle journée d'hiver, 7 ans plus tôt, le jeudi 13 février 1936, à Paris. Il était alors député de la Seine, pas encore président du Conseil. Sur le boulevard Saint-Germain, il avait été violemment agressé par 3 royalistes se réclamant de l'action française. Coup de poing, coup de pied accompagné de cris tels que « Au poteau, Blum, on va le pendre !» Âgé de 64 ans à l'époque des faits, il avait dû être hospitalisé d'urgence pour une rupture de la veine temporale. Léon Blum venait de frôler la mort et de vivre dans sa chair les ravages de l'antisémitisme. Deux mois plus tard, en avril 1936, le socialiste convalescent est nommé chef d'un gouvernement de coalition réuni sous la bannière du Front Populaire. Derrière le slogan peint « Paix, liberté », il tente de relancer l'industrie d'armement, mais il est déjà trop tard. Depuis Buchenwald, le constat est amer et la question douloureuse. Léon Blum et tous les autres démocrates de la Troisième République ont-ils eu trop foi en la vertu intrinsèque de la paix? Il se trouve que les réformes économiques du Front Populaire n'ont pas fonctionné et que le pacifisme né en 1918 a peut-être altéré le jugement de toute une génération de dirigeants politiques, faisant bien involontairement le lit des idées rances jusqu'à leur arrivée au pouvoir. Sacrée monte du sol natal et la France enivrée te salue maréchal. Tous tes enfants qui t'aiment et vénèrent tes ans à ton appel suprême ont répondu présent. Maréchal, nous voilà devant toi, le sauveur de la France. Nous jurons, nous tes gars, de servir et de suivre tes pas. Maréchal, nous voilà, tu nous as redonné l'espérance, la patrie renaîtra. Maréchal, maréchal, nous voilà. Tu as lutté sans cesse pour le salut commun. On parle avec tendresse du héros de Verdun. En nous donnant ta vie, ton génie et ta foi, tu sauves la patrie. Seconde fois, maréchal, maréchal. voilà, devant toi le sauveur de la France. Nous jurons, nous t'égards, de servir et de suivre tes pas. Maréchal, nous voilà, tu nous as redonné l'espérance. Mais la patrie, renaît-toi. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. En juin 1943, voilà près de trois mois que Léon Blum est enfermé dans un quartier spécial de Buchenwald en compagnie de Georges Mandel. Malgré son statut de prisonnier important, il souffre des conditions de détention. Il dort peu et perd beaucoup de poids. Heureusement, sa compagne Jeanne le rejoint après avoir reçu l'autorisation exceptionnelle de Vichy. Léon Blum est envahi d'une joie immense. Dès son arrivée, Jeanne entretient la maison, fait la cuisine, son Léon reprend des forces. Dans une lettre du 27 juin 1943, il reconnaît que dans son malheur, il a de la chance. « Ma vie est changée. Je suis presque honteux de cette joie et des conditions de ma vie ici, en songeant à tous ceux qui souffrent. » L'homme du Front Populaire peut se consacrer à nouveau à l'écriture. Alors il reprend ses notes qu'il accumule depuis le début de sa détention. Et le texte qui en ressort devient « Testament politique », qui aura bientôt pour titre « À l'échelle humaine ». Au fil des pages, l'auteur montre un amour indéfectible pour la République. Ce n'est pas parce qu'elle a failli qu'il faut la condamner en bloc après tout. Les parlementaires d'alors voulaient la paix, et ce sont les dictateurs qui ont réintroduit la guerre. La démocratie parlementaire est encore jeune à l'échelle de l'histoire, et Blum qualifie ces troubles récents de simples troubles de croissance. Le socialiste s'affirme donc, et plus que jamais, comme un républicain universaliste et réformiste, qui ne croit ni à la révolution, ni au grand soir. Le changement profond doit être anticipé et réalisé par des procédés légaux et pacifistes, mais c'est surtout la fin du livre qui est fondamentale. Dans ses dernières pages, presque prophétiques, Blum analyse avec amertume l'histoire récente, à travers ce qu'il appelle le problème de la civilisation. Le problème de la civilisation, tel qu'il se pose depuis que l'humanité a pris connaissance d'elle-même, est de substituer aux énergies animales des forces disciplinées, harmonieuses, spiritualisées, de transformer les fanatismes et les idolâtries sauvages en certitudes fondées sur la raison, en convictions fondées sur les exigences de la conscience personnelle. Il a manqué, pour entraîner la nation, une générosité, une magnanimité, une prestance idéale, une évidence de désintéressement et de sacrifice à l'intérêt collectif. Selon Blum, les socialistes ont donc failli à leur mission. Ils auraient dû être plus dignes, plus nobles. Autrement dit, il leur a manqué des valeurs morales. À l'été 43, au moment où Blum écrit ses lignes, la situation militaire s'améliore pour les forces alliées. Elles entament peu à peu leur reconquête du continent européen. Ainsi, en août, le débarquement en Sicile est couronné de succès. Neuf mois plus tard, en juin 44, les alliés s'emparent de la côte normande avant de mettre le cap sur Paris. Le 25 août, la capitale est libérée. Le général de Gaulle descend les Champs-Élysées sous les acclamations de la foule. Quand Pétain apprend la nouvelle, il réalise que son régime vit ses derniers instants. L'homme de 88 ans tente alors un dernier coup de bluff. Via un émissaire, il propose un accord à De Gaulle. Ainsi, il promet de lui transmettre officiellement le pouvoir, à condition que l'homme de Londres reconnaisse la légitimité de Vichy. Évidemment, aucune réponse n'est donnée à cette demande indécente. La révolution nationale est officiellement terminée. Au même moment, fin août 44, le maréchal Pétain est envoyé à Sigmaringen avec d'autres dignitaires de la collaboration. Dans les semaines qui suivent, les alliés boutent l'occupant hors de France. Dans la foulée, un gouvernement provisoire est nommé sous les ordres du général de Gaulle. La France est libérée et la guerre bientôt terminée. Le 30 avril 1945, Adolf Hitler se suicide dans son bunker de Berlin. L'Allemagne capitule. Léon Blum et sa femme, Jeanne, ainsi que Georges Mandel, sont libérés de Buchenwald et regagnent Paris. Dans le monde entier, le calme revient. Les morts peuvent être enfin enterrés. Dans les villes et les villages français, les noms des soldats disparus sont gravés sur les monuments. Ils viennent s'ajouter à la liste de ceux qui ont péri lors de la Première Guerre mondiale. Le pays se réveille donc d'un cauchemar qui aura duré 5 ans. Il est désormais temps de panser les plaies, de solder les comptes de Vichy. D'ailleurs, fin avril 45, le maréchal Pétain est remis aux autorités françaises avant d'être enfermé au fort de Montrouge, près de Paris. Il sera jugé par une haute cour d'État. Il est mis à l'isolement, seul face à ses choix, ses avocats et ses souvenirs, ses regrets peut-être aussi. Le 23 juillet 1945, son procès s'ouvre au palais de justice de Paris. La salle est comble, la chaleur accablante. Les chefs d'accusation sont lourds pour l'ancien chef de l'État de 89 ans. Haute trahison, complot contre la sûreté de l'État, intelligence avec l'ennemi. Le verdict est déjà connu de tous. Le procureur général a annoncé quelques jours plus tôt qu'il réclamerait la peine capitale. À 13h, le président du tribunal prend place et laisse entrer l'accusé. Dans l'embrasure de la petite porte de droite, le vieil homme apparaît en uniforme. Toute la salle retient son souffle. Un reportage des actualités françaises couvre l'événement et l'atmosphère particulière qui l'entoure. Pendant son procès, Pétain sera logé sur place, derrière ses fenêtres murées tout exprès, dans cette petite pièce installée pour lui. Dans le palais de Saint-Louis, au cœur de Paris, va s'ouvrir un débat immense, lourd de conséquences. Un débat que le pays opprimé et trompé attendait depuis 5 ans. Et voici que Pétain entre dans la salle de la première chambre. Trop petite salle pour un si grand procès. Pour ce procès où l'homme qui ose encore se dire chef de l'État va répondre des années pendant lesquelles la France a été occupée, occupée aussi par lui. Dès le premier jour des débats, la ligne de défense de Philippe Pétain est claire. Il a assumé le pouvoir comme un fardeau. Il s'est sacrifié pour son pays. Pire, il était même un allié caché du général de Gaulle et il n'est responsable que devant la France et les Français. Autrement dit, pour l'accusé et ses avocats, le tribunal n'est pas compétent. D'ailleurs, le maréchal ne fera qu'une seule déclaration. « Je vous le dis à la face du monde. Vous condamneriez un innocent en croyant parler au nom de la justice. Et c'est un innocent qui en porterait le poids. Car un maréchal de France ne demande grâce à personne. À votre jugement répondront celui de Dieu et celui de la postérité. Ils suffiront à ma conscience. » Ensuite, Pétain se réfugie dans le silence. Parfois son regard divague et ses yeux se posent sur les visages des spectateurs. Alors, à quoi pense-t-il, lui qui était si redouté, qui avait pouvoir de vie et de mort sur chaque citoyen aujourd'hui? Il est sur le banc des accusés face à un pays qui demande des comptes. Dans les jours qui suivent, les témoins défilent à la barre. Les anciens présidents du Conseil, Paul Reynaud et Édouard Daladier, puis l'ancien président Albert Lebrun. Vient le tour de Léon Blum. L'homme du Front populaire est évidemment un témoin important. Il jouit d'une aura immense auprès de la population et on sait d'avance que ses mots seront écoutés attentivement. Vêtu de son costume noir et de ses inséparables lunettes, il se lance d'abord dans une analyse politique de la défaite de 40 et de la trahison de Pétain, sans jamais prononcer son nom. Il y avait, en juin 1940, un pays que j'ai vu qui, sous le coup de sa défaite et de ce qu'elle avait de brutal, de démesuré, d'incompréhensible, restait comme stupide et abasourdi. Ce peuple, il était là, atterré, immobile. Et on a dit à ce pays, eh bien, non. Non, l'armistice que nous te proposons, qui te dégrade et qui te livre, ce n'est pas un acte déshonorant, c'est un acte naturel, c'est un acte conforme à l'intérêt de la patrie. Et un peuple qui n'en connaissait pas les termes a cru que ce qu'on lui disait, parce que l'homme qui lui tenait ce langage parlait au nom de son passé de vainqueur, au nom de la gloire et de la victoire, au nom de l'armée, au nom de l'honneur, eh bien, celui qui, pour moi, est l'essentiel, cette espèce d'énorme et atroce abus de confiance morale, cela, oui, je pense, c'est la trahison. Août 1945, après trois semaines de débats, sans surprise, Philippe Pétain est déclaré coupable. Il est condamné à mort, à la confiscation de ses biens et à l'indignité nationale. Deux jours plus tard, le 17 août, le général de Gaulle commue la sentence en peine de prison à perpétuité en raison de l'âge avancé de l'accusé. Pétain est conduit jusqu'au fort du Portalet, l'endroit même où étaient enfermés les ennemis du régime de Vichy. C'est dans cette bâtisse que trois ans plus tôt, en effet, le prisonnier Léon Blum avait commencé la rédaction de ce qui allait devenir À l'échelle humaine. Achevé depuis fin 43, le livre sort en librairie à la rentrée 45, quelques semaines après le procès de Pétain. De son côté, l'homme de Vichy est transféré au fort de la Citadelle sur l'île Dieu le 16 novembre 1945. Cinq ans plus tard, le 30 mars 1950, Léon Blum meurt chez lui, entouré de ses enfants et de sa femme, Jeanne. Un an et demi plus tard, le 23 juillet 1951, c'est au tour de Philippe Pétain de s'éteindre sur l'île Dieu. En quelques mois, la France perd donc deux chefs politiques qui ont marqué le XXe siècle, l'un dans l'honneur, l'autre dans l'indignité. Deux hommes que tout oppose, deux hommes dont les idéaux n'ont cessé de s'affronter pendant tout le siècle. Petit mot gentil, ce petit mot qu'on dit, qui sonne plus que jamais à vos oreilles. En vous il sommeille, voilà qu'il s'éveille, espoir. Il suffit de penser à lui, alors en nous tout resplendit, espoir. C'est lui qui pénètre en nos cœurs pour y prolonger le bonheur, espoir. Petit feu par moment voilé, tu allumes le monde entier comme un brasier. Espoir, de toi l'on se nourrit, bien mieux que d'un rôti. Que belle, belle est donc la vie quand tu fleuris. Ce que j'écris ce soir, tu me séduis. Oh, t'es choisi, n'est-ce pas toi qui ris ici, si. Espoir, il est prouvé que l'on vit d'espoir. Pourquoi, monsieur, n'en pas avoir? Pourquoi, madame, ne pas y croire? Tous les jours noirs ont leur lendemain. Les grandes histoires ont aussi leur fin. Espoir, ce n'est parfois pas plus long qu'un soir. Ça suffit pour s'apercevoir que chacun de nous a dans son tiroir pour quelques sous d'espoir. Espoir. Espoir. Espoir. l'envie d'espoir. Pourquoi monsieur n'en pas avoir? Pourquoi madame ne pas y croire? Tous les chemins ont leur lendemain, les grandes histoires ont aussi leur fin. Espoir, ce n'est parfois pas plus long qu'un soir. Ça suffit pour s'apercevoir que chacun de nous a dans son tiroir pour quelques sous d'espoir. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Blum Pétain, la dignité contre l'indignité. On peut résumer cela comme ça ou autrement. En tout cas, on va en parler avec vous. Pierre Birnbaum, bonjour. Bonjour. Vous êtes à Châteauroux dans les locaux de France Bleu Berry Sud. Vous êtes professeur émérite à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne, historien, sociologue. Vous êtes l'auteur notamment du livre Léon Blum, un portrait, paru au Seuil en 2016, ainsi que La leçon de Vichy, une histoire personnelle, paru également au Seuil l'an dernier. Après, nous avons passé un extrait à la fin du récit, un extrait de la déposition de Léon Blum. L'intervention de Blum était longue, puisqu'il a raconté finalement comment un pays s'est rétracté dans la peur. Il a dit « J'ai vu des hommes s'altérer, se corrompre à vue d'œil, comme si on les avait plongés dans un bain toxique. » Qu'est-ce que vous retenez-vous de cette déclaration à ce moment-là, le plus important, ce qui porte le plus haut, le plus fort, le message et le parcours de Léon Blum? Blum constate là la lâcheté, au fond, finalement, le renoncement, et c'est tout le contraire de ce qu'il est lui. Blum est un homme, et on ne le dit pas assez, au courage physique absolument extraordinaire. Et en 1940, lorsque la France est vaincue, tout le monde lui dit, dont Vincent Auriol, de partir, de quitter la France, car on va l'exécuter, le tuer, le massacrer. Et Blum dit, de manière incroyable, et sa phrase est magnifique, il dit, si je fuyais maintenant, ce serait la République qui partirait, ce serait trahir les idéaux de la République. Et il fait face avec un courage extraordinaire, il sait qu'il va être arrêté, et en effet, il l'est, vous l'avez dit vous-même, et il est traité dans des conditions épouvantables d'un château à l'autre. Je pense que c'est là le contraste formidable que l'on a entre un homme qui a incarné la République, quelle que soit son apparence fluette, quelle que soit sa voix perchée, ce personnage bourgeois, lettré, et en réalité un homme au courage physique incroyable. Il a tenu le choc, il a fait face, il a refusé de fuir, et au fond il incarne ce que le peuple français aurait dû à son tour incarner, c'est-à-dire le refus immédiat. Comme certains l'ont entendu, les pêcheurs d'Île de Sein, très vite Jean Moulin ou d'autres, de ce pouvoir qui s'instaure et qui est le contraire des idéaux de la République. Il y a là un jugement triste sur la manière dont la population française, dans son immense majorité, a accueilli cette défaite. Il appelle ça, dans cette déposition, il dit « la peur des Allemands, la peur des bandes de Doriot ». C'était vraiment un marécage humain. Et je pense qu'il dit tout. Là, il dit à la fois la peur des Allemands, bien sûr, mais aussi la peur des bandes de Doriot, c'est-à-dire la peur de l'extrême droite, la peur de la milice, la peur de la violence extrême qui va être mise en œuvre par la milice et que redoute la population française et qui introduit évidemment un comportement de crainte, éventuellement de délation et en tout cas de soumission pour la plus grande partie de la population française. Et on l'a vu dans le récit, ainsi que dans celui d'hier. D'ailleurs, Léon Blum voue une véritable passion pour la République. Vous avez consacré un livre à ces hommes d'État juifs que vous appelez « Fous de la République », c'est ça ? Exactement. Il y a quelques années, c'était au Seuil d'ailleurs aussi, j'ai travaillé sur une population spécifique de personnes de juifs, enfin d'origine juive ou juifs eux-mêmes, de culture juive, qui grâce à la méritocratie républicaine ont pu s'élever aux échelons les plus importants de l'État, d'un État méritocratique et universaliste dès les années 1805-1810. Vous avez des polytechniciens, des préfets bientôt, des normaliens. Et puis, Léon Blum le personnalisera au fond ce processus unique au monde, exceptionnel au monde, qui est dû à la création d'un État fort et méritocratique, puisque Blum va être le premier, finalement, dans l'histoire moderne, en tant que juif, il n'a jamais caché sa judité, à accéder à l'État, et avant d'accéder rôle le plus important de l'État, de président du Conseil, il a été, et c'est important de le dire, il a été haut fonctionnaire. Or, au Conseil d'État, un commissaire du gouvernement dont les étudiants, encore aujourd'hui, analysent de manière précise les conclusions, certaines sont restées classiques. Or, dans la déposition au procès Pétain, il dit ceci: « J'ai été moi-même, pendant un quart de siècle, membre d'un corps de l'État dont les membres n'ont pas montré beaucoup de courage. » Et on rejoint votre question. Blum est un conseiller d'État courageux qui défend les idéaux de l'État. Et il s'élève, au fond, contre la manière dont les conseillers d'État, mais l'ensemble de la haute fonction publique, a prêté serment au maréchal Pétain immédiatement, de suite, sans aucune restriction. On voit ces photos de préfets qui lèvent la main. À l'université également, il y a un seul professeur d'université qui a refusé de prêter serment. Et au fond, je trouve qu'il y a là, dans la carrière de Léon Blum, comme une sorte d'exemple tout à fait extraordinaire de dévotion à la République jusqu'à occuper les fonctions les plus éminentes à l'intérieur de l'appareil d'État, et en même temps de constat de cet échec à travers le succès de la contre-révolution qui n'a jamais accepté la Révolution française et qui tout au long du 19e siècle s'est employé à détruire les idéaux de la République. C'est cette contre-révolution intégriste qui triomphe avec Vichy et qui abolit, d'une certaine manière, presque 50 ans, presque plus de 100 ans d'histoire française, et en tout cas qui touche au cœur même de l'exceptionnalisme de la société française, dont Léon Blum est comme l'exemple typique. Et Blum, effectivement, a une foi absolue en la République, en l'égalité des chances, en la laïcité, parce que il entretient avec la foi tout court, la foi religieuse, un rapport moins étroit. C'est un laïc. Il est de culture juive. Évidemment, il l'assume complètement, mais c'est un laïc. Blum ne s'est jamais caché de son judaïsme. Il est même, on peut le dire, et dans ce livre sur Blum, je le montrais, et c'était relativement peu connu, il est même sioniste de tout au long de sa vie, dès le congrès de Versailles jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à la naissance d'Israël en 48. Il intervient ici ou là en faveur de la naissance d'Israël. Il défend les réfugiés de l'Exodus. Il intervient en 48 auprès du gouvernement pour que le gouvernement vote oui à l'Assemblée nationale. Et il pense, et c'est l'essentiel, il faut le retenir, c'est un message contemporain. Il est absolument certain qu'il est possible d'être un adepte fou de la République, de personnifier à lui seul les idéaux de la République, les valeurs de l'État, de la laïcité, et en même temps de conserver une culture, une tradition, une histoire, de l'honorer, d'en rester conscient et d'y rester fidèle. Ouais. Il ne voit pas d'incompatibilité, et c'est important de le dire de nos jours, au fond, pour d'autres populations de citoyens français, il est possible totalement d'être un citoyen de la République, à travers l'école normale supérieure, ou plus tard les plus hautes fonctions de l'État, d'incarner cette République et en même temps, dans sa vie privée, de conserver une foi, une fidélité, des valeurs, sans se cacher. Mais c'est la définition de la laïcité, cela dit. C'est exactement la définition de la laïcité, c'est-à-dire dans l'espace public, aucun problème, et dans l'espace privé, je vous en prie. Non, mais je voulais pas vous couper dans votre phrase. Non, je suis en train de revoir le titre de votre livre, La leçon de Vichy, une histoire personnelle. Et moi, ça m'intéresse, le personnel. Expliquez-moi. Alors, on s'éloigne un tout petit peu de Blum, mais finalement, il y a un rapprochement. Il y a un rapprochement, bien sûr. Parce que j'ai même écrit, il n'y a pas tellement longtemps, il y a bientôt 15 ans, un ouvrage qui s'appelle « Un mythe politique, la République juive », avec comme sous-titre « De Léon Blum à Pierre Mendès-France ». C'est-à-dire, au fond, je me suis intéressé à ces hauts fonctionnaires qui ont été, dont la légitimité a été remise en question par le courant antisémite. Et de manière un peu bizarre, j'ai consacré pourtant la plupart de ma vie et les ouvrages les plus nombreux de ma vie à être une sorte de laudateur de l'État. J'ai construit à travers un grand nombre d'ouvrages une sorte de théorie de l'exceptionnalisme d'un État qui est propre à la société française et qui est unique au monde, un État protecteur des minorités, de l'ensemble des citoyens. Et cet État-là, j'en suis devenu un peu, en sciences politiques ou en sociologie, j'en suis devenu un peu le héros. Or, l'une des questions qui me tombe dessus, non pas au soir de ma vie, mais tard dans ma vie, c'est au fond, comment est-ce que j'ai pu devenir un tel héros de l'État républicain, produire tant de livres en sa défense, en ignorant que cet État a voulu ma peau, puisqu'en effet, je suis né en 1940, lorsque à Lourdes, donc quelques jours après la naissance de Vichy et du régime du maréchal Pétain. Or, immédiatement, deux jours avant et deux jours après, ce sont des textes qui sont pris pour m'exclure par avance de cet État dont je me suis fait le héros. Et alors, je raconte dans ce livre, à partir d'un matériel d'histoire, d'un matériel d'archives, la traque que je subis, moi, comme individu, c'est-à-dire, c'est un peu une expérience tout à fait étrange, de se faire l'histoire de soi-même. Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas ce qu'on appelle de l'égo-histoire ou de la mémoire, mais c'est l'histoire de soi-même, à travers tout un ensemble d'archives des Hautes-Pyrénées, des archives nationales, des archives de police, des archives du commissariat général de questions juives. Je me retrouve, moi, comme petit bonhomme, avec mon nom, avec dans les papiers du préfet qui me cherche, moi, et qui veut ma peau. Donc il y a là quelque chose de tout à fait stupéfiant pour quelqu'un qui a été le laudateur de l'État. Et oui. D'un seul coup, de se trouver un peu comme Blum, et pardonnez-moi la comparaison, mais de se trouver finalement à la vindicte de cet État qui veut ma peau encore plus peut-être que Blum, parce que lui, en effet, Blum était en effet un personnage tout à fait important, dont que les Allemands conservaient un peu en réserve pour les monnaies d'échange, voilà, bien sûr. Et en même temps, Mandel, est exécuté, vous le savez, juste avant Blum. Et Blum, lorsque Mandel est tiré de sa prison à Buchenwald, Blum sait très bien que son tour va venir, qu'il va lui aussi être éventuellement exécuté. Donc cette crainte, cette menace, elle est effectivement très présente. Et donc dans ce livre, je retrace cette vie qui d'enfants cachés dans la haute montagne par des paysans catholiques et communistes et dont je n'ai jamais voulu parler dans ma vie publique et à laquelle je ne me suis pas intéressé dans mon travail d'universitaire soucieux d'éloigner de moi-même tout ce qui est de l'ordre de la vie privée et des valeurs privées. Donc j'ai construit une carrière de haut fonctionnaire, de savant entre guillemets, mais de voulant travailler de manière la plus positive et neutre possible. Alors, ce livre est un peu un retour en arrière, et une sorte d'analyse du régime de Vichy et des raisons pour lesquelles j'ai pu pendant tant d'années, 20, 30, 40 ans, 50 ans, être victime d'une sorte d'amnésie, une sorte de refus, de déni. J'allais venir justement, pardon de vous bousculer un peu, parce qu'il ne reste que 8 minutes. Mais bien sûr. Quand on parle de choses passionnantes, ça passe tellement vite. Hein. Alors, après la mort de Pétain en 51, il faudra attendre de nombreuses années avant qu'on s'intéresse de nouveau à Vichy. Alors généralement, on fait remonter le changement de cette perception à 1972, lors de l'apparition d'un essai d'un historien américain, Robert Paxton, à la France de Vichy. Admettons qu'il y a eu un refoulement entre 51 et 72. Comment analysez-vous ce refoulement de la mémoire concernant Vichy? Je dis bien refoulement parce que ensuite, et puis il y aura un autre événement en 95 dont on parlera un petit peu après. Cette question est débattue de nos jours. Enfin, il y a un certain nombre d'historiens qui estiment que le silence, le refoulement n'était pas si important. Moi, je crois que l'essentiel, c'est quand même le triomphe de la vision gaulliste de l'histoire, c'est-à-dire que de Gaulle a voulu, dès qu'il reprend le pouvoir, faire comme si Vichy n'avait jamais existé, et que la France éternelle était de retour, mais sans même du tout accorder une importance quelconque à Vichy. Et dès son retour au pouvoir, on efface radicalement la période de l'entre-deux de Vichy, et on reprend un discours d'une France qui, dans son essence, dans ses valeurs, n'aurait pas été touché du tout par Vichy. Et du coup, c'est un peu ce que j'écris aussi dans le livre que je viens de publier, on est très frappé par le fait que l'épuration de l'État est très bénigne, c'est-à-dire qu'il y a une épuration sauvage au sein de la population française, mais l'État qui est le moteur de la société française, cet État fort, justement, cet État-nation, qui gère la société, plus particulièrement en France, on y touche très peu. Et les hauts fonctionnaires, et ça va être tout le mérite de Paxton de le montrer pour la première fois, les hauts fonctionnaires qui sont en poste en 1938, 39, restent en poste en 1940, et la plupart d'entre eux, sauf vraiment ceux qui ont été coupables de trahison avec l'Allemagne, la plupart d'entre eux restent en poste également en 45-47. Et du point de vue plus particulier qui m'intéressait dans le livre sur Vichy, il est tout à fait intéressant de voir qu'aucun haut fonctionnaire n'a été épuré pour son rôle spécifique dans la traque des Juifs. Aucun. C'est le syndrome Papon, Maurice Papon. C'est le syndrome de Papon qui, en effet, continue sa carrière, va devenir ministre, sera préfet, et sera responsable de, non pas de la traque des Juifs cette fois-ci, mais de la traque des citoyens musulmans ou des immigrés musulmans dans la France des années 60. À Paris. Alors, Pierre Birnbaum, je voudrais qu'on écoute ensemble une déclaration importante, parce qu'elle est complètement dans notre débat, et vous voyez de quoi je veux parler. 1995, le célèbre discours de Jacques Chirac, pour qu'un dirigeant ose parler d'une responsabilité de l'État français, ben, on a attendu longtemps, jusqu'en 1995, c'est le fameux discours du Vel'd'Hiv, on écoute un extrait. Ces heures noires souillent à jamais notre histoire, et sont une injure à notre passé et à nos traditions. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français, secondée par l'État français. S'il fallait retenir une action, par la parole, en l'occurrence, de Jacques Chirac président, je crois que tout le monde est à peu près d'accord pour citer cette déclaration-là. C'est un acte politique, c'est un acte historique, on est d'accord. C'est un acte historique et j'aimerais tout de même ajouter un commentaire. Et je pense que ce commentaire éclaire un peu autrement cette phrase qui est en effet toujours très souvent citée et à juste titre. C'est un moment essentiel de l'histoire française contemporaine. Ce que dit Chirac, c'est à la fois ce que vous venez de rappeler, oui, mais en même temps, il dit « La République n'est pas responsable de Vichy et Vichy, c'est le triomphe de la folie, c'est le triomphe de la France d'extrême droite. C'est exactement ce que dira le président Macron l'an dernier. C'est le triomphe de Je suis partout, de Céline, de la droite contre-révolutionnaire. Et Jacques Chirac, néanmoins, le continuateur de la pensée du général de Gaulle, c'est-à-dire que Vichy, ça n'est plus l'État. Vous voyez. Donc, effectivement, Jacques Chirac dit l'État a trahi, mais en même temps, il est obligé de dire que cet État-là, de reconnaître que l'État de Vichy n'est lui-même plus fidèle à sa logique antérieure. Et ça va être un vrai problème, celui-là, qui va donner encore de nos jours lieu à tout un ensemble de jurisprudence du Conseil d'État de nos jours. Il y a encore un arrêt il y a quelques mois. C'est-à-dire, c'est comment appréhender ce paradoxe d'un État qui, en effet, n'est plus l'État, ne représente plus la politique française, et en même temps, comment faire en sorte que cet État soit considéré comme responsable pour, par exemple, prendre en charge la réparation des biens, des Juifs, la commission Matteoli, comment accepter une responsabilité de nos jours d'un État qui n'est pas l'État. Vous comprenez, oui, il y a une sorte de paradoxe bien sûr. Qui, de nos jours encore, n'est pas résolu. Bien, écoutez, ce sera le mot de la fin, Pierre Birnbaum. Merci infiniment pour tous vos éclairages, les éclairages que vous avez apportés pour cette émission. Merci, au revoir. Merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Blum Pétain, second volet, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission Livre Référence. Et si le cœur vous en dit, vos commentaires personnels. Merci à toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire Guillaume Ballandras, Romain Weber et Adrien Cara. Attaché de production Valérie Priolet. Coordination Christophe Barrère. Programmation musicale Muriel Pérez. Lecture Philippe Pierrard, Damien Prévost, Marianne Thierry, Cécile Rimaud-Cayol. À la technique aujourd'hui, Michel Bézikian. Réalisation pour toute la semaine, Hélène Bizio, Benjamin Riquet, Coyenne Guyenne.